Mr. Crew. C'est tout à fait scandaleux. Il règne un bruit assourdissant. Il y a de la musique. Devoir réveiller les morts. Devoir réveiller les morts. Devoir réveiller les morts. Devoir réveiller les morts. Thank you. Thank you.